bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et mon nom est Jimmy Farley. Je vais vous accompagner pour les deux prochaines heures et aujourd'hui à l'émission, je vous propose Legacy Pilots, ce qui est une formation multinationale, Unitopia d'Australie, Fluctus Quadatrum d'Angleterre, Lacrimosa d'Allemagne, Anathema d'Angleterre, Envy of None, ça c'est une formation canadienne. Ensuite on aura Karmakanik de la Suède, ça sera suivi de Sun Hilo de la Finlande. Ensuite Orchestra SMS d'Italie, Protomitos d'Israël, Triangle des Pays-Bas et on va conclure avec Raha Project de l'Iran. Alors, l'émission de cette semaine contient exclusivement des nouveautés de 2025 et on va commencer avec deux enregistrements en spectacle qui viennent tout juste de paraître. En premier lieu, on va entendre un extrait de l'album Night Flight du groupe multinational Legacy Pilots. Je rappelle que Night Flight, c'est la version live de l'album Through the Lens qui est paru en 2024. Ensuite, on entendra le groupe australien Unitopia, qui vient tout juste de lancer Alive and Kicking. Ça, c'est la version live de l'album Seven Chambers, paru en 2023. On retrouve aussi, lors de ce spectacle, des chansons d'albums précédents, dont la pièce Tesla, que j'ai choisie et qui a été enregistrée originalement sur l'album Artificial en 2010. Mais on débute ça avec Legacy Pilots. Search for fortune far and wide. In distant lands they seek for happiness. But if they hold the major senses well, there is no need to chase the rainbow's spell. Grass seems green on the other side. Chasing shadows only leaves you tired. The past to joy lies in the present day. And simple pleasures that might come your way. So don't chase the rainbows. Don't chase the rainbows. No matter how long it might well take, I'll wait for you. Don't chase the rainbows. Chase the rainbows. Thank you. can be found today in moments that don't fade away. And with a careful, watchful eye, life's treasures will not pass you by. Happiness can be found today. Faith he'd find, blessed with encouragement. inquiring mind, troubled and tested, obsessive, compulsive, numbers divided by three of a kind. Oh, how I loved her, nothing else mattered. She was my purpose in life. Clear was the message, the light from her eyes, colorful beams of light. Unclean childhood remembered, balanced and centered, order from chaos precisely pursued. Oh, how I loved her, nothing has mattered. She was my purpose in life. Clear was the message, the light from her eyes. poison formula, the downward spiraling, fascinates and dazzles, causing all to go blind with underlying errors, but a trick of the mind, confusing metaphysics with pursuit of the truth, clawing at the rubble to the fountain of youth, alternating, compensating, recreate the soul, mad, mad revolutionary, all parts of the whole. Matter that we reach each new endeavor with the ghost and the machine. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour débuter le deuxième volet de l'émission d'aujourd'hui, on va faire un petit séjour en Angleterre pour se rendre en Allemagne et revenir en Angleterre. On va débuter avec la formation britannique Fluctus Quadatrum. Ça, c'est un nouveau groupe qui nous propose un premier album intitulé « La Placienne » et duquel j'ai extrait la pièce-titre. Ensuite, on va entendre « Lacrimosa ». Ça, c'est un duo allemand qui est rendu quand même à un 15e album studio. Et l'album s'intitule « Lament ». Pour faire suite à ce métal progressif, nous entendrons Anathema, qui eux font dans le expérimental post-metal, et on va entendre la pièce Sunset of Age. Ça, c'est extrait de l'album Falling Deeper qui est paru en 2011. Mais auparavant, voici Fluctus Quadatrum d'Angleterre. Berg. Von allem, das ich mir träume, wann und wo ich bin. Ich hab Angst, dass alles Gute ich versäume. Ich kann nicht mehr, kann mich und meine Welt nicht mehr tragen. Doch da ist niemand, der mich sieht, und da ist keine, die mich kennt. Ich bleibe hier in mir. Mitten unter euch lebe ich ein Leben ohne ein Geräusch. Selbst wenn ihr mich seht, seht ihr nur an mich heran und nicht hinein. Ich unentdeckt, noch nicht kartografiert, noch nicht gefunden. So bleib ich unberührt zurück, so bleib ich unentwegt bedrückt. Ich bleibe hier in thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour débuter ce troisième segment de l'émission d'aujourd'hui, on revient au Canada avec une formation créée par Alex Lifeson. Ça, c'est le guitariste de Rush qui vient de lancer l'album Stygian Waves, duquel j'ai extrait trois chansons. Je rappelle que le nom du groupe, c'est Envy of None. Et les trois chansons vont être suivies d'un extrait du dernier album de Carmakanic. Ça, c'est un groupe suédois. Et on va terminer avec Sun Hilo de Finlande avec la chanson Meanwhile in Between Tides. Ça, c'est extrait de leur deuxième album, simplement intitulé 2. Mais on débute ça avec Envy of None du Canada. You

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Bon, bien, on est déjà rendu au quatrième et dernier bloc de l'émission d'aujourd'hui. Et pour débuter, j'y vais avec une demande spéciale de France, qui est une fidèle auditrice de Saint-Roch-sur-le-Richelieu et qui nous écoute depuis le tout début de l'émission en 2013. Elle demande de lui faire découvrir du rock progressif au féminin. Et pour elle, bien, j'ai choisi la formation italienne Orchestra SMS, qui est une nouvelle formation. Puis je dois aussi dire que je me fais plaisir en même temps, car la pièce que j'ai choisie, qui est extraite de l'album Musicos Parpagliata, contient la chanson Mole Cole. Ça, c'est une chanson originellement enregistrée par le groupe Il Volo sur leur premier album homonyme paru en 1974. Je rappelle que cet album-là, pour moi, est encore d'actualité. C'est une musique qui a très bien vieilli. Ensuite, je reviens encore une fois en 2013 avec une chanson du groupe israélien Protomitos. Ça, c'est un groupe que j'avais découvert à l'époque. Pour poursuivre avec le groupe néerlandais Triangle, qui vient de sortir l'album Seven. Et en conclusion, on va du côté de l'Iran, avec deux chansons tirées de l'album de Purgatory. Ça, c'est le groupe Raha Project. Raha, ça s'appelle R-A-H-A. Mais on débute ça avec les Italiens, Orchestra SMS. Pianissimo il respiro in me, come brezza fragile muove fumo e te e tu apri gli occhi e spalanchi a me, foreste impenetrabili e pianure immense che si muovono ondeggiando, ed io son vento e tu sei l'erba mia, io poi tempesta e tu in un attimo follia noi, noi molecole perse dove chissà. Perse dove chissà. Fonte vivissima, dell'eternità, noi molecole perse dove chissà. Fonte to the end that he might not feel. We'll be right back.